Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, c'est votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales, diverses et variées, Lost in Space sur le 100FM. On attaque immédiatement avec les Boys Next Door, c'était le tout premier groupe de Nick Cave alors qu'il était encore en Australie. Et là, c'est une reprise, s'appelle These Boots Are Made for Walking. Je pense que vous connaissez toutes et tous cette reprise et c'est le début de Lost in Space, c'est parti. was true. The most bizarre and brutal series of crimes in America. This is the movie that is just as real, just as close. Crazy! You gotta make us stop! Just as terrifying as being there. Please. Even if one of them survives, what will be left? The Texas Chainsaw Massacre. After you stop screaming, you'll start talking about it. We'll be right back. Okay.

Martha Torres était une New-Yorkaise née au coin de la 108e rue et de la 1ère avenue au cœur d'El Barrio. Elle était passée du lycée Washington Irving à l'université de Columbia pour finir dans un grand cabinet juridique protestant qui intégrait l'année où elle avait terminé son droit. Intégrer, cela veut dire qu'après 83 ans d'existence, il commençait à engager des catholiques. Dans 83 autres années, ils commenceront peut-être à engager des juifs. Martha avait tenu un an en compagnie de tous ses confrères, de vrais petits génies, puis elle avait trouvé un poste dans le département juridique d'un des rares programmes honnêtes d'assistance publique à New York. C'est là que j'ai fait sa connaissance en faisant des recherches pour un article destiné à un magazine qui avait rendu l'âme un mois avant la date prévue pour la publication de mon travail. Elle passait le plus clair de son temps à essayer de mettre les propriétaires en prison et d'en faire sortir les locataires. De toutes mes connaissances, c'était la plus vieille jeune fille de 26 ans et j'en raffolais. J'aimais son rire, j'aimais sa voix rauque et j'aimais la façon dont elle se servait de son espaglet pour créer un nombre surprenant de jurons divers et inventifs. J'aimais son parfum dans l'espace confiné de la voiture, mélange de savonnette, de fleurs et de pluie. Elle était ce que les portoricains appellent une triguena, ce qui veut dire qu'elle avait une couleur de cuivre chaud, des longs cheveux noirs et raides, de magnifiques dents blanches et des pommettes saillantes des Indiens des Caraïbes. Je regardais ses cheveux brillant doucement aux lumières de la circulation et j'eus envie d'arrêter la voiture et de les caresser. Je me retins parce qu'elle se serait moquée de moi. Elle adore se moquer de moi. Bye. que plus raide hurle l'avers, je ne sais plus, les êtres m'enlisent, guerre, basse et menteuse, dans la poussière est senti râle et lisière, mentir net, morale chère à l'horizon, celle d'une vraie putain, le sensoriel est perdu, propre faute du vaincu de la poussière, l'impôt de la honte, ronge le baillon d'amertume, ronge mes rats, et les poux maintenant, mange ton con. Mordi, cartilage et pas vu moignon. Just the smiles, the reflections of my answer. Une œuvre inachevée semble plus proche qu'une autre de livrer le secret. Celui de l'écriture, parce qu'elle est nue, étant dégagée du masque de la composition. L'œuvre de Laure est une suite d'inachèvements, d'où un supplément d'attrait, car chaque interruption du texte l'arrête près de la pulsion qui est à son origine, de telle sorte qu'on se croit toujours au bord d'en saisir l'élan et le but. Mais il y a là, bien sûr, qu'un leurre. Ces écrits, comme tous les écrits, sont de l'écriture. Seulement, et tel est leur caractère particulier, d'un fragment à l'autre circule un défi. Never plugged in at all. I took my time. today. I'm responsible anyway. The second to third hand information that complicates the complication. And I don't think before I speak, and I don't know how far my words reach. So wrong nearly every time that I'm sorry I speak my mind. If what I said was unkind, now it feels like I'm on fire. I know you. Judgment's born in my jealous mind, creeping inside outside. Connections I've made never follow through, and sooner or later disappoint you, or cross you twice when your back is turned. That's how I've learned that someone has got to be. Feels like I'm on fire. These words are not the truth, but don't hold it against me, 'cause I know you. Aching eyes are not my concern. Be wrong, I wish. Ce défi s'adresse à la fois à notre culture, à notre goût du fini, à notre sens de l'histoire. Pourquoi ? Parce que leur nudité, justement, les débarrasse de ces oripeaux-là. Mais c'est en quoi elle est insupportable, la preuve. Nul ne parle des écrits sans se rabattre sur le vécu de l'or, car ce vécu est culturel. Ainsi, à travers l'or, n'en finit-on pas de lire Colette Peignot et la compagne de Georges Bataille et l'ami de Michel Léris. Comme si ces écrits ne tenaient vraiment pas debout tout seuls. Pas tout arrêter, qui osera se plaquer la poignée. On ne peut tout de même pas tout arrêter, qui osera se plaquer la poignée. On ne peut tout de même pas tout arrêter, qui osera se plaquer la poignée. a demandé à être enfanté. Personne n'a jamais pu en décider. Alors nos parents n'ont qu'à remuer les lourdes déceptions de leur culpabilité. Qui a demandé à être enfanté? Personne n'a jamais pu en décider. Qui t'a choisi, grand père, se retourner, verra un monde meilleur que celui d'être oublié. Il faut dire enfin que le vécu des morts, tant pis pour eux et tant pis pour nous, futur mort n'est plus rien. Conséquence, le texte est le corps du mort, un corps public auquel chacun peut tout faire, à condition de n'en pas faire le représentant de rien. L'or est un texte et chacun se qualifie selon sa façon de le lire. Yeah. choix qu'à mourir au lutin. Guerre civile, survivre une chance sur mille. Guerre civile, tu joues ta vie à face aux belles. La nuit sans pitié dans cette jambe urbaine. Si tu ne combats pas, toute espérance est vaine. La mort est là, un milieu du béton. Les plus durs survivront, les autres périront. Guerre civile, survivre une chance sur mille. Guerre civile, tu joues ta vie à face aux belles. Guerre civile. Il faut également finir avec la propriété privée des moyens d'expression, chose qui, bien sûr, met en cause la famille, mais tout aussi gravement les lecteurs, car lire devrait être un acte qui libère le texte de la culture, comme de la vie même, dans ce qu'elle a d'étroit, de finissant. Lire, c'est traverser la mort grâce à cet emportement sacré, qui pour l'heure était l'autre nom de la communication. Night walks in the valley. Take me to your demon set. Mao Tse-tung, comment ça va ? Je lui demandais parce que lui, il est sympathique. Bien, très bien, mais travaille, trop travail dans cette ville. Mais tu fais un paquet soldé dessous, non ? Et soldé, Mao Tse-tung, l'argent, les euros, t'as compris ? Compris, beaucoup de sous, mais pas beaucoup pour moi, tout pour l'organisation. Va bouilloya, c'est bon, va, maintenant tu veux me faire croire que t'es un pauvre malheureux. T'as combien de gens qui travaillent là-dessous, là ? 26, que des femmes. 26, mais là-dessous, il y a grand maximum la place pour 10 personnes. 12, disons, il n'y a même pas de fenêtre. Tu les fais mourir, Mao Tse-tung. Pas mourir, non, vivre et travailler. 13 heures de travail, une pause et puis dormir. Nous payer voyage pour venir de Chine et nous non donner argent gratis. Elle demandait venir en Italie et moi je dis bon bien. Moi je t'emmène en Italie, mais 20 000 euros, les donner avec travail. La dette finie en Italie avec le permis de séjour, tout régulier. Mao Tse-tung, mais ces femmes-là, pour te donner à toi 20 000 euros, elles doivent marner 100 ans, tu les fais mourir. Écoute Mao Tse-tung, mais une belle petite chinoise, hein, tu comprends ? Pas baiser, Génali. Rien que travailler ici, pas baiser. Pour baiser, au port. Là, mon frère a des filles, des belles filles, mais pas baiser avec des Italiens, rien que des Chinois, seulement pour le Chinois. A fiction romance. That's not the song we were going to do, right? Are we still live on the air? Sorry, Ramones. All the dead guys. We'll be right back. Allez quoi, Mao Tse-Tou, combien tu veux? Juste une fois, une belle petite chinoise. Ta belle Mel sait que tu veux baiser petite chinoise? Moi, pas le deal, mais elle le sait. En tout cas, si toi t'aimes les petites chinoises, moi, j'offre une fois belle petite chinoise. Si ça te plaît, tu payes à partir de la deuxième fois, ça va? Mais tu le deal à personne. Toi, sympathique, mais le deal à personne. Ça, secret, d'accord? Mao Tse-Tou, je suis muet comme une tombe, ça va? Tu sais ce que c'est une tombe? Où on met les morts? Les morts, Mao Tse-Tou, tu sais ce que c'est les morts? Silencieux, muet, pas un mot. Babuo, ça va? Salut Mao Tse-Tou, moi je vais chez ma belle-mère, à la revoyure. You have to be stone cold, yeah, not to see all the world. says to the bar. I can't believe you think this was just going well. Look at the way the fire's like, people you don't care. It's not just in my head, it's in my heart. It's in my heart! If I can give a fuck, you better start. So, use your head. Be aware. Putain, il savait tout sur tout le monde, Mao Tse-tung. Comment il faisait? Il restait là-dessous, dans le noir, à respirer le bruit et la sueur 20 heures par jour, et il sortait jamais cette tronche jaune, même pas pour bouffer. Et pourtant, il savait ce qui se passait dehors. T'y crois, toi, qu'il s'en baisait pas deux, trois de ses petites esclaves qu'il gardait là-dessous? Jean Gogial et lui et les autres amis, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Personne ne les dérangeait, c'était le contrat. Pacte clair, amitié longue. Eux, ils étaient là et personne leur cassait les couilles. En échange, ils devaient pas se montrer et payer un paquet de blé. Et eux, ils payaient, et comment qu'ils payaient? Des tas de fric et ponctuellement. Au comptant, comme convenu. 5000 euris pour un endroit ben plus grand qu'un placard, humide, à 5 mètres de profondeur et sans air. Et ce fondu, il y gardait 26 gonzesses. Bon d'accord, les chinoises sont petitounes, mais 26 êtres humains, même s'ils sont petitounés, c'est toujours 26 êtres humains. Plus lui et Zhang qui contrôlaient 28. C'est pour ça qu'ils étaient si secs. Des anchois, c'était très maigre. We'll be right back. sounds deeper. Found your number in a box of my things. I just wanted to see how you were doing, 'cause I've been moving around a lot lately. I've got all the pieces, but not the order they're in. Everything you've ever wanted was just out of reach. When you're swimming off the river, we'll let Vous êtes toujours sur le 100 FM Lost in Space, la fin de la première partie des deux premières heures. On vient de finir à l'instant avec Chumbawamba, un groupe qui au début était extrêmement fréquentable et qui après a succombé aux sirènes de l'argent et du capital pour produire une espèce de pop insipide. Mais bon, là on a écouté les anciens morceaux, en tout cas un ancien morceau, Stop Pussyfooting Around. Et donc c'est, il est 23h passées de quelques minutes, c'est l'heure de la deuxième partie de Lost in Space dans lequel on va revenir sur les lives. Et aujourd'hui qui s'y colle, c'est Big Black, enregistré en 1987 à Seattle. Big Black, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le premier groupe de Steve Albini avant qu'il fasse Shellac. C'est, on va dire, au carrefour du punk et de la musique expérimentale, hein, clairement. Donc, vous allez entendre, c'est assez intéressant. C'est parti pour Big Black. Allez, bonne soirée et bonne nuit pour après.